On doit lui obéir. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ça avec quoi vous est venu le messager, alors prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Faman ankara as-sunnah kafara bil Qur'an. Celui qui rejette la sunna, il a mécru au Coran. Fahuwa kafir. Alors celui-ci est un croyant. Celui-ci n'est pas musulman. Man ankara sunna laysa bi muslim. Il n'est pas musulman. Bel kayfa yusalli? Kayfa yuaddi hadhihi al-farida? Comment va-t-il donc accomplir la prière s'il rejette la sunna? لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذه الصلاة وبهذه الزكاة وفصلهما في السنة. الله تبارك وتعالى nous a ordonné l'accomplissement de la prière et l'aumône obligatoire, mais il a détaillé tout cela dans la sunna. فأين نجد في كتاب الله عدد الركعات؟ Où trouvons-nous dans le livre d'Allah le nombre d'unités et la description de la prière? هذا نأخذه من السنة وكذلك الزكاة. أين نجد نصاب الإبل؟ Où allons-nous trouver dans le Coran la valeur qui détermine l'obligation de la zakat liée au chameau? أو التفاصيل حول زكاة عروض التجارة. Les détails concernant la zakat, l'aumône qui est liée aux produits qui sont commercialisés. Où trouvons-nous cela dans le Coran? Hada kulluhu fi sunnah. Fas-sunnatu yajibu al-amalu biha. Lidha ayyuha al-ikhwa, qulna wa kararna akthara min marra. Inna Allah tabaraka wa ta'ala anzala al-Quran 'ala nabiyyih وأمره بالتبليغ والبيان. Allah تبارك وتعالى a fait descendre le Coran sur son prophète et lui a ordonné de transmettre et d'expliquer. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Nous avons fait descendre sur toi le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui a été descendu sur eux. فمن أنكر السنة أنكر القرآن ولا يمكنه ان يفهم القران فهما صحيحا. Celui qui rejette la sunna a rejeté le Coran et il ne lui est pas possible de comprendre le Coran correctement. Il ne lui est pas possible. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه فلا وربك. Par ton Seigneur. Allah jure. Il jure par ton Seigneur, la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Ils n'ont pas la foi, ils n'auront pas la foi tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge des conflits qu'il y a entre eux. On a un conflit, je ne suis pas d'accord avec toi, avec un tel, on regarde as-sunna. On doit regarder qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas d'accord avec ton épouse, es-sunna. Tu n'es pas d'accord avec ta sœur, es-sunna. Tu n'es pas d'accord avec tes enfants, es-sunna. La yu'minun. Ils ne croient pas. Ils ne croiront pas. Tant qu'ils n'auront pas fait cela. Et donc, il ne nous est pas permis, ô chers frères, de délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa min ash-shubah al-muntashira fi zamanina la yuqalu lin-nas utruku as-sunnah utrukuha hiya sayyi'ah aw. À notre époque, on ne dit pas aux gens délaissez la sunna, elle est mauvaise ou. On ne dit pas ça aux gens, parce que si tu dis ça aux gens, les gens ils vont dire mais n'importe quoi, c'est la sunna du messager d'Allah, etc. Non. Mais c'est pas ce qui est dit. Regardez, méditez les frères. El yaum yuqalu lin-nas as-sunnatu sunnah. La sunna, c'est une sunna. Yani mustahabba. C'est pas obligatoire. C'est recommandé.